Conte de fées en français. La petite gardeuse d'oie. Il était une fois le roi d'un grand pays qui mourut, laissant derrière lui femme et enfants. Il y avait aussi une bonne fée qui aimait beaucoup la petite princesse et qui aidait sa mère, la reine, à la surveiller. Quand elle devint adulte, elle fut promise à un prince qui vivait dans une contrée fort lointaine. Tandis que le jour de ses noces approchait, elle commença à préparer le voyage vers son pays. Sa mère mit dans les bagages de sa fille tous les bijoux et tous les vêtements royaux. « Ma chère enfant, prends avec toi ces bijoux et ces pierres précieuses et sois heureuse avec ton prince. » Elle lui désigna une servante qui allait faire le chemin avec elle et envoya ainsi sa fille vers son futur époux. Elles avaient chacune un cheval pour le voyage. Le cheval de la princesse était un cadeau de la bonne fée. Il s'appelait Falada et il pouvait parler. Oh, attends, j'ai autre chose pour toi. La fée prit une paire de ciseaux et coupa une mèche de ses cheveux. Prends-en bien soin, ma chère enfant. Il se pourrait que tu aies besoin d'utiliser ses pouvoirs sur ta route. La princesse fit ses adieux à sa mère et à sa marraine, la fée, et s'en alla accompagnée de sa bonne et de son cheval Falada. Après plusieurs heures de voyage, la princesse eut soif et en fit part à sa bonne. Servant, apporte-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Si vous avez soif, ma chère princesse, descendez donc de cheval, allongez-vous au sol et allez boire votre eau par vous-même. Je ne suis pas votre servante. Choquée, la princesse descendit de son cheval, se pencha au-dessus de l'eau et but quelques gorgées. Soudain, la mèche de cheveux magiques parla. Pauvre princesse, si ta mère savait, elle en aurait le cœur brisé. Mais la fille du roi était humble. Elle ne dit rien et remonta sur son cheval. Après quelques heures de voyage, elle eut soif une fois de plus. Et quand elle aperçut un petit cours d'eau, elle dit à sa bonne. Servante, apporte-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Comme je vous l'ai déjà dit, débrouillez-vous toute seule. Encore une fois, la princesse descendit de cheval, se pencha au-dessus du petit cours d'eau et but un peu. Alors, la mèche de cheveux dit. Si ta mère savait, elle en aurait le cœur brisé. La bonne n'est pas obéissante. Faites attention, princesse. Ne vous penchez pas trop. Oh, je tombe dans la rivière. La mèche de cheveux tomba de sa poche et l'eau l'emporta au loin. Alors, la bonne dit. Désormais, tu es faible et sans pouvoir. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres et tu dois m'obéir. Enlève ta robe et donne-la-moi. Tu porteras la mienne. Maintenant, c'est moi la princesse. Et si tu racontes ça à quiconque, tu devras le payer de ta vie. La bonne enfila la robe de la princesse et monta sur son cheval Falada, tandis que la princesse monta sur le mauvais cheval. Elles arrivèrent enfin au palais royal. Le prince vint à leur rencontre et prit la servante pour la princesse qui l'attendait. Bienvenue dans mon palais, ma chère princesse. Je suis ravie d'être ici, vous savez. Qui est cette jeune fille? C'est ma servante. C'est ma compagne de voyage, mais je ne l'aime pas beaucoup. Je me demandais d'ailleurs, mon prince, si vous aviez du travail pour elle. Eh bien, je n'ai pas de travail à lui donner. Mais j'ai à mon service un jeune garçon qui s'appelle Kurtken et qui prend soin des oies. Elle pourrait l'aider? Oh, et mon prince, j'ai besoin d'une autre faveur. S'il vous plaît, débarrassez-moi de ce cheval sur lequel je suis arrivée. J'ai failli tomber sur la route par sa faute. En fait, la servante savait que Falada, le cheval, pouvait parler. Et elle craignait qu'il ne raconte comment elle s'était comportée avec la vraie princesse. Elle obtint gain de cause. Et le loyal Falada fut tué. Mais quand la vraie princesse apprit la nouvelle, elle se mit à pleurer et pria le bourreau de clouer la tête de Falada sur une grande porte de la ville. Une porte par laquelle elle devait passer matin et soir tous les jours, car de cette façon, elle pourrait encore le voir de temps en temps. Comme vous voudrez, ma chère. Et il cloua la tête sous une porte sombre. Tôt le lendemain matin, Quand elle et Curdken passèrent la porte, elle dit avec le plus grand désarroi. Falada, Falada, te voilà suspendue. Fiancée, fiancée, te voilà détrônée. Hélas, hélas, si ta mère le savait, tristement, tristement, elle le vivrait. Ils sortirent de la ville et conduisirent les oies. Quand ils arrivèrent à la prairie, elle s'assit sur un banc et lâcha ses mèches de cheveux ondulées, qui étaient couleur argent. Et quand Curdken les vit briller au soleil, il courut pour pouvoir tirer quelques mèches. Mais elle s'écria. Souffle, petite brise, souffle. Laisse envoler le chapeau de Curdken. Souffle, petite brise, souffle. Fais qu'il le poursuive sur les collines, dans les vallées et entre les rochers. Qu'il tourne, tourne et s'envole encore plus loin jusqu'à ce que mes beaux cheveux soient bien peignés. Soudain, un vent souffla si fort qu'il fit s'envoler le chapeau de Curdken. Il s'envola au-dessus des collines. Le garçon fut forcé de lui courir après. Et quand enfin il revint, elle avait fini de peigner et de boucler ses cheveux et les avait rattachés soigneusement. Il fut alors très en colère et même boudeur et il ne lui dit plus un mot. Ils surveillèrent les oies jusqu'à ce que la nuit tombe et les reconduisirent vers leur maison. La même chose se répéta à nouveau encore deux jours et un soir d'affilée. Curdken alla voir le vieux roi pour se plaindre. « Je ne peux pas continuer à avoir cette fille dans les pattes pour m'aider à garder les oies. » Au lieu de bien faire, elle ne fait rien d'autre que m'embêter toute la journée. « Curdken, je sais que tu ne me racontes pas toute l'histoire. Raconte-moi tout ce qui s'est passé, sinon... » Alors le roi réussit à lui faire raconter tout ce qu'il s'était passé. Curdken raconta ainsi toute l'histoire au roi. Reprends ton travail. Je vais réfléchir à tout cela. Le lendemain matin, le roi se cacha derrière la porte sombre et entendit comment la princesse parla à Falada et comment Falada lui répondit. Ensuite, il se dirigea vers les champs et se cacha dans un buisson sur un côté de la prairie. C'est alors qu'il vit de ses propres yeux la jeune fille lâcher ses cheveux et les laisser étinceler au soleil. Puis il l'entendit dire. Souffle, petite brise, souffle. Laisse envoler le chapeau de Curdken. Souffle, petite brise, souffle. Fais qu'il le poursuive sur les collines, dans les vallées et entre les rochers. Qu'il tourne, tourne et s'envole encore plus loin jusqu'à ce que mes beaux cheveux soient bien peignés et bouclés. Un coup de vent vint soudain emporter le chapeau de Curdken. Et Curdken partit alors à sa poursuite, pendant que la jeune fille se mit à peigner et boucler ses cheveux. Pendant tout ce temps, le vieux roi regarda la scène. Il retourna chez lui sans être vu. Et quand la petite gardeuse d'oie rentra le soir, le roi l'appela et lui demanda pourquoi elle faisait ça. Mais elle éclata en sanglots. Ça, je ne peux pas vous le dire, ni à vous, ni à quelqu'un d'autre. Ou bien je pourrais perdre la vie. Mais le vieux roi supplia si fort qu'elle ne put rester en paix tant qu'elle ne lui aurait pas raconté toute l'histoire. Du début à la fin, mot pour mot. Eh bien, lui en prit, car le roi lui dit. Aucun mal ne vous sera fait, princesse. Je vais rectifier les torts qui vous ont été faits. Maintenant, je veux que vous portiez les vêtements d'une princesse. Quand elle fut prête, il la regarda avec émerveillement. Elle était si belle. Alors, il appela son fils et lui annonça qu'il avait accueilli la mauvaise fiancée. Qu'elle n'était en fait qu'une servante. Tandis que la vraie fiancée se trouvait là, debout devant lui. C'est ta vraie future femme, mon fils. Alors, je suis vraiment très chanceux, père. Le jeune prince se réjouit quand il découvrit sa beauté et entendit raconter combien elle avait été patiente et modeste. Et sans rien dire à la fausse fiancée, le roi ordonna qu'un grand festin fût organisé pour les gens de sa cour. Ce soir, nous célébrons la vérité et nous punissons le mensonge. Le futur marié s'assit avec la fausse princesse d'un côté et la vraie princesse de l'autre. Mais personne ne la reconnut, tant sa beauté était troublante pour leurs yeux. Maintenant qu'elle portait cette robe étincelante, elle ne ressemblait plus du tout à cette gardeuse d'oie qu'ils avaient tous connue. Comment ose-t-elle ? Quand ils eurent bien mangé et bien bu, et qu'ils se sentirent tous bien joyeux, le vieux roi se leva et demanda l'attention. « Ce soir, je vais vous raconter à tous une histoire. Écoutez attentivement. » Il commença à parler et raconta toute l'histoire de la princesse, comme si c'était une histoire qu'on lui avait contée à lui aussi par le passé. Puis il demanda à la vraie servante ce qu'elle pensait qu'on devrait faire à une personne qui s'était conduite de la sorte. « Que feriez-vous à une telle menteuse ?»« Rien de moins que l'envoyer directement en prison pour toujours !»« Ah oui, vous le pensez donc aussi. Eh bien, comme vous venez de le juger vous-même, c'est donc ce qu'il va vous arriver !» La servante fut punie de la façon qu'elle avait elle-même choisie pour punir quelqu'un d'autre. Le jeune roi se maria avec sa vraie fiancée et ils régnèrent sur le royaume dans la paix et le bonheur pendant toute leur vie. La fée leur rendit visite et rendit la vie au cheval Falada.